Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La douceur de ton âme m'a donné qu'un léger fardeau. Sans cesse, je t'acclame, témoignant de ton repos. Lumière de vie, il est le meilleur ami. Oh, c'est un si grand salut que je trouve en toi, Jésus. Douleur de ton âme, quand tu priais dans le jardin. Oh Dieu, quel drame, mourir à la croix, toi le saint. De la mort à la vie, gloire au ressuscité. Oh merci Jésus-Christ, c'est par la foi en toi que je suis sauvé. Douceur en mon âme, car maintenant tu y vis. J'abandonne mes armes, ta parole est mon appui. Amour suprême, par la croix tu le prouveras. Tu me dis oui, je t'aime, oh que je ne vive que pour toi. Tu me dis oui, je t'aime, oh que